basse résonne sous les bottes. Base reconstruite, chaque ré devient danse, chaque tir est conduite. GTA s'embrasse, klaxon et feu d'artifice. Ride skill sourit, chaque plan est un délire. Une samedi sous le soleil brûlant, chaque tempête est rythme, chaque grain mouvant. Wild West supermarket, rire et chaos. Les alliés chantent, chaque victoire est un cadeau. Riders.